pense souvent que l'amour est doté d'un pouvoir inexplicable, enchanté. Mais au bout de l'histoire, tu voudrais juste savoir toutes ces lignes que tu as manquées. Un chapitre incomplet, un bouquin survolé. Vais-je devoir tout revoir dans ma mémoire pour retrouver ce sentiment qui pesait une tonne de mes en apesanteur et résonne comme une douce et belle voix qui t'envoûtait de moi dans un océan d'émotions et te ramène aussi vite sur terre. On n'est jamais sûr de rien, mais on construit pour demain. Si je savais où était écrit les fables du destin ici, oh, ces fables qui nous réunissent, aurais-je une fois la chance de pouvoir te déchiffrer, toi qui guides nos cœurs aimants, malgré toute la bienveillance, tu restes un esprit indomptable qui nous renverse. On n'est jamais sûr de rien, mais on construit pour demain. Si je savais où était écrit les fables du destin ici, oh, ces fables qui nous réunissent.